وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد ف... On va commencer comme d'habitude par une série de questions-réponses pour réviser le cours précédent. Inch'Allah ta'ala, rapidement. Quelle est la croyance des gens de la Sunna concernant ce fondement, le fondement qui est l'obéissance due aux autorités? Pour résumer, cette croyance des gens de la Sunna que nous avons entendue la semaine passée, des paroles de l'imam Ahmed, rahimahullah, de même que des paroles de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, de même que autres que lui parmi les imams de la Sunna. Et tous étaient sur la même croyance et le même fondement. Quelle est cette croyance en résumé? Ce que tu dois savoir, ce que tu dois dire si on te pose la question, quelle est la croyance des gens de la Sunna concernant l'obéissance aux autorités? Allez, Shabab. Pour résumer, Hassan, tfaddal. Écouter les autorités, qu'ils soient pures ou pervers, Hassan. Juste ou injuste, Hassan. Qui n'ordonne pas une désobéissance à Allah. Hassan, barakallahu fik. Un très bon résumé de votre frère Hassan, jazallahu khaira. Écouter et obéir aux autorités, qu'elles soient justes ou injustes, bonnes ou perverses, et l'interdiction de se révolter contre elles. Leur obéir du moment qu'ils n'ordonnent pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est la croyance des gens de la sunna. L'ensemble des gens de la sunna sont sur cette croyance. Quelles sont les voies menant à l'établissement de l'imam? L'imam ici c'est le gouverneur, celui qui dirige les musulmans, chez les gens de la sunna. Les voies menant à l'établissement de l'imam. Avant cela, est-ce que fait partie de ces voies les élections? Les élections avec un vote, etc., etc. Ça ne fait pas partie de ces voies, sans aucun doute, et ceci ne fait pas partie des voies des musulmans. Le vote, l'élection par le vote, etc., ces choses-là ne font pas partie des voies des gens de l'islam. Barakallahu fikum. Donc, concernant ces voies menant à l'établissement de l'imam, du gouverneur. Faddal. Ahsant, ahsant. La première de ces voies que l'on a citées, c'est Wilayatul Ahd, c'est-à-dire que l'ancien gouverneur désigne son successeur, qui sera appelé, comme l'a dit le frère, Zallahu Khaira, Waliul Ahd. Comme on peut le voir dans certains pays, comme par exemple, Fil Mamlakatil Arabiyat Saoudiyya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah Harasahallah, de même que au Maroc et autres, où le gouverneur désigne son successeur, qu'on appelle Wali. Wali al-Ahd. Ensuite, la deuxième de ces voies. Fadda. J'ai pas entendu, excuse-moi. Le gouverneur en place, il choisit un groupe de personnes qui choisit. Ahsant, ahsant. Comme l'a fait Omar ibn al-Khattab, ahsant. Ma'a ashab al-Shura. Avec les gens de la consultation, de Shura. C'est-à-dire qu'il désigne un groupe de personnes pour le succéder. Un groupe de personnes, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas une personne en particulier, mais un groupe de personnes qui seront aptes à le succéder. Et cette personne et ce groupe de personnes sont des gens que l'on appelle comment? Ahlul halli wal aqd, ahsant. C'est-à-dire ce sont les gens qui ont la force, comme par exemple les généraux des armées, et qui ont la raison saine et la raison juste et droite, comme par exemple l'ulama, les savants de la communauté. Donc ce n'est pas tout à chacun qui va décider de la personne qui va être le gouverneur des musulmans. Plutôt c'est un groupe de personnes qui est désigné pour succéder à ce gouverneur actuel. Et ce groupe de personnes, ce sont des gens qui se concerteront entre eux pour désigner donc celui qui va succéder au gouverneur actuel, et ces gens-là, ce ne sont pas n'importe qui parmi la masse des musulmans, ce sont plutôt les gens qui ont la force et la raison juste et droite. Et la troisième de ces... La troisième? Par la révolte. Ahsant, ahsant Mohamed. Par la révolte. Et on a dit quoi par rapport à ceci? C'est-à-dire, on ne dit pas déjà par la révolte, mais plutôt par la force. Par la force. Et... Qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette voie? le fait de prendre le pouvoir par la force. Tfadal Biram. Ahsant. Les deux dernières voies qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'ahd, wilayat l'ahd, et le fait de désigner ashab al-shura, des gens qui se concerteront parmi ahl, al-hall wa al-aqd, pour désigner le successeur, ces deux voies-là sont des voies qui sont légiférées de base. Mais la troisième de ces voies, qu'a évoqué Mohammed Zallahu Khaira, le fait de prendre la force, le pouvoir par la force, comme l'a dit votre frère Biram Zallahu Khair, c'est une voie qui n'est pas légiférée de base. À la base, elle n'est pas légiférée. C'est-à-dire, comme on l'a entendu, ceci constitue la croyance des gens de la Sunna, se révolter contre le gouverneur, prendre le gouvernorat par la force, ceci n'est pas légiféré. Ceci est interdit de base. Mais si une personne arrive à cela, c'est-à-dire au pouvoir de cette manière-là, nous lui devons obéissance. Nous lui devons obéissance. Il devient le gouverneur des musulmans, comme on l'a évoqué la semaine passée. Parmi les gens qui contredisent les gens de la Sunna concernant ce fondement, comme on l'a évoqué la semaine passée, comme je l'ai évoqué à deux entreprises, on peut voir que l'ensemble des gens de l'innovation se réunissent autour de cela, d'après cette parole de ce grand imam parmi As-Salaf, qui s'appelle Abu Qilaba, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Il disait « Ahlul bida'i » Les gens de l'innovation sont différents dans leurs appellations. Ikhwani, Tabliri, Habashi, Khariji, Shi'i, etc. Ils sont différents dans leurs appellations, mais ils sont tous d'accord, ils sont tous réunis sur un point, c'est le fait qu'ils voient tous l'épée. Quand on dit qu'ils voient l'épée, c'est-à-dire qu'ils voient la révolte contre le gouverneur. Ceci, ouais, une caractéristique principale des gens de l'innovation, comme l'obéissance aux autorités, comme on l'a évoqué, fait partie des caractéristiques principales des gens de la Sunna. Et donc nous avons dit que Al-Khawarij et Al-Shia, ils se réunissent par rapport à ce fondement sur un point, et ils divergent sur un autre point. Vous vous rappelez sur quel point ils se réunissent? Al-Khawarij ou Al-Shia, ils se réunissent par rapport à cela sur quel point? Ahsant, ahsant, le fait qu'ils mettent en condition pour que l'on obéisse, pour que l'autorité ait droit à l'obéissance des musulmans, qu'elle soit pieuse. Alors que comme vous l'avez entendu ici dans les fondements de la Sunna, nous devons obéissance aux autorités musulmanes du moment qu'elles, du moment comme on l'a évoqué dans le cours précédent, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moment qu'elles accomplissent la prière. Et le fait de conditionner le fait que cette autorité soit pieuse, ceci est une des caractéristiques de ces groupes innovés, de ces factions innovées. Et Al-Khawarij comme Al-Shia se réunissent sur cela, c'est-à-dire qu'ils mettent en condition que l'autorité soit pieuse. Si l'autorité n'est pas pieuse, si l'autorité est injuste, ils disent donc que cette personne-là n'a pas le droit à notre obéissance. Et ils divergent à propos de quel point? Ils divergent à propos de Abu Bakr et de Omar. Et à propos de Ali et de Uthman. C'est-à-dire que les premiers, Al-Shia, ne voient pas l'obéissance à Abu Bakr et Omar et Uthman, mais ils voient l'obéissance obligatoire à Ali, radiyallahu anhum ajma'in. À l'inverse de l'Khawarij qui voit l'obéissance de Abu Bakr et de Omar, après lui, mais ils ne voient pas l'obéissance à Uthman et Ali. Plutôt, comme on l'a vu dans les cours précédents, Al-Khawarij ont rendu, ont jugé mécréants ces deux derniers.